Cet été, une équipe d'archéologues a retrouvé dans le nord du Kenya ce qui ressemble à un grand barbecue préhistorique daté d'1,5 million d'années. Problème, le consensus à l'heure actuelle sur la maîtrise du feu par le genre Homo est bien plus récent, autour de 500 000 ans avant notre ère. Cette découverte a été l'étincelle, si vous me permettez, pour relancer une controverse historique quant à l'importance de la cuisson dans l'évolution humaine et son rôle dans la métamorphose de nos ancêtres vers des formes plus intelligentes, tant pour des raisons énergétiques que pour des raisons morphologiques. Je pense, donc je cuis, c'est le programme gastronomique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la métascientifique. Et oui, quatrième saison, toujours ces titres qui font le plaisir de nos équipes et de nos auditeurs, nous l'espérons, pour évoquer en tout cas l'influence de la cuisson sur l'évolution des espèces, mais aussi les moyens dont nous disposons pour retracer les différents chapitres de cette histoire évolutive. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Hélène Patou-Mathis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, autrice de Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, c'est aux éditions Perrin. Et Marie-Hélène Moncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS également, préhistorienne au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais avant de faire mijoter les petits plats, on plonge dans le grand bouillon de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal par cette étude qui a fait grand bruit, ou plutôt ces études qui ont fait grand bruit depuis hier soir. Deux études parues dans Nature Astronomy et dans l'Astronomical Journal sur la détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète K2-18b. C'est une découverte importante et c'est aussi un bel exemple de ce qu'est une course à la publication entre deux équipes. Alors, ces deux études sont basées sur les observations du télescope spatial Hubble. Cette exoplanète, on l'appelle à tort une super-Terre. Elle ressemble pas vraiment à la Terre. C'est une planète de type intermédiaire entre Uranus et Neptune. Elle a sûrement un corps rocheux important, mais aussi une grosse enveloppe de gaz. Par méthode de spectroscopie, les deux analyses sont d'accord sur la détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais l'équipe montréalaise, celle de l'Astronomical Journal, s'apprêtait à publier en premier cette découverte avant d'être devancée par l'équipe anglaise, celle de Nature. Et elle a probablement précipité ses conclusions. Elle conclut que cette détection de vapeur d'eau implique la présence de nuages d'eau liquide, voire même de liquide à la surface. Franck Selcy est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Pour lui, c'est une erreur de calcul assez fréquente, une confusion entre pression totale et pression partielle. Ils ont fait une erreur basique, ils ont confondu la pression partielle de vapeur d'eau et la pression totale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'on peut détecter la vapeur d'eau sur cette planète, c'est parce qu'en fait, il y a une enveloppe qui est dominée par l'hydrogène. Et l'hydrogène est un gaz léger. Et du coup, l'atmosphère est très étendue. Quand la planète passe devant l'étoile, grâce à cette atmosphère d'hydrogène étendue, on peut sonder les limbes de l'atmosphère et faire de la spectroscopie. On peut détecter les autres molécules présentes dans cette atmosphère d'hydrogène, comme éventuellement la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone, le méthane. Et c'est ainsi qu'on a détecté la vapeur d'eau, qui est un gaz minoritaire dans cette atmosphère. Donc si vous sondez, mettons, le niveau où il y a un bar de pression, en réalité, il n'y a que 1%, par exemple, de cette pression qui est de la vapeur d'eau. Et donc les auteurs ont fait cette erreur de dire « Ah, le profil atmosphérique de température et de pression, c'est-à-dire comment la température et la pression varient avec l'altitude sur cette planète, intersectent un domaine de pression et de température où les conditions seraient possibles pour l'eau liquide. » Le problème, c'est que comme la vapeur d'eau n'est pas un constituant majoritaire, en fait, si on regarde la pression partielle de vapeur d'eau, elle n'intersecte pas du tout ce régime de pression et de température où l'eau est sous phase liquide. Et donc, ça la classe pas tout à fait dans les planètes telluriques et ça la place pas tout à fait dans les conditions idéales pour avoir de l'eau liquide sous forme de nuages et encore moins de l'eau liquide en surface si elle a éventuellement quelque chose qu'on peut définir comme une surface. Voilà, et pour tout savoir sur cette découverte de vapeur d'eau dans l'exoplanète K2-18b, eh bien on vous renvoie et on va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission vers la page de France Culture où vous trouverez bien tous les liens vers les études et vers la façon dont l'antenne de France Culture a traité cette nouvelle scientifique depuis hier soir. Et on passe au bref du jour. En 2100, il y aura 11 milliards d'êtres humains sur Terre, selon un rapport publié hier par l'Institut National d'Études Démographiques. Aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards et en 2050, nous serons 10 milliards. La croissance démographique, aujourd'hui de 1,1%, va continuer de ralentir pour stagner autour de 11 milliards d'êtres humains, dit l'étude. Alors le taux de fécondité baisse, partout dans le monde, on fait deux fois moins d'enfants qu'il y a 60 ans. Selon le papier, suite au boom démographique en Afrique, un tiers de la population mondiale devrait venir du continent africain et l'Inde devrait être le pays le plus peuplé au monde. La revue Nature dévoile aujourd'hui la détection de gigantesques bulles radio près du trou noir central de notre Voie lactée. Ce sont des observations faites grâce au récent observatoire sud-africain Meerkat. Meerkat est sensible au rayonnement synchrotron. Alors pour les visualiser, ces bulles radio sont en forme de sablier et sont plus brillantes sur leur bord. Elles s'étendent sur 1400 années-lumière au-dessus et au-dessous de Sagittarius à étoile. Ce sont les signes d'une forte activité énergétique dans son environnement, mais on ne comprend pas bien l'origine du phénomène. Parmi les hypothèses, ces bulles radio seraient le résultat d'une explosion d'énergie proche du trou noir. Et dans la revue Nature Communication, une étude éclaire le fonctionnement d'une protéine qui ouvre la voie à la conception de nouveaux antibiotiques. Les bactéries utilisent de petites molécules appelées les sidérophores pour piéger le fer. Une équipe internationale a détaillé les mécanismes des sidérophores chez une bactérie. En comprenant son fonctionnement, les chercheurs peuvent à présent envisager la conception de vecteurs mimant ces procédés. Avec une stratégie de cheval de Troie, de tels vecteurs pourraient introduire de façon efficace des antibiotiques dans des bactéries résistantes aux actuels traitements. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le grand journal des sciences de la semaine du vendredi. On peut retrouver évidemment les journaux des sciences toute la semaine sur le site de franceculture.fr ainsi qu'en podcast via l'application de Radio France. Et puis comme toujours, vous le savez désormais, mais il est parfois bon de le rappeler, vous pouvez suivre le journal des sciences ainsi que toute l'émission en parallèle sur notre fil Twitter @lamethodefc où nous postons tout au long de l'heure eh bien, un certain nombre d'études, les liens vers les études qui sont mentionnées ainsi que plusieurs autres liens qui vous permettent de comprendre et de compléter votre écoute de l'émission. Il est 16h08 et pour évoquer l'influence donc de la cuisson sur l'évolution des espèces, c'est notre sujet du jour. C'est un peu l'œuf ou la poule de la paléoanthropologie. Est-ce que l'augmentation des capacités cognitives a conduit l'être humain à cuisiner ses aliments ou est-ce la cuisson des aliments qui a amené l'être humain à voir ses capacités cognitives évoluer? Ce débat est d'autant plus nourri qu'il repose sur un énorme différent temporel. Si les préhistoriens s'accordent pour dire que la maîtrise complète et volontaire, c'est important, du feu remonterait à environ 500 000 ans, certains indices évolutifs laisseraient eux entendre que les premières cuissons pourraient remonter bien au-delà jusqu'à Homo erectus il y a 1,5 million d'années. La récente découverte au Kenya d'un important foyer de cuisson daté d'il y a 1,5 million d'années relance donc ce débat passionnant qui va être le nôtre au cours de cette heure. Un débat qui a été marqué notamment dans les années 60 par un ouvrage important, Le cru et le cuit, de Claude Lévi-Strauss, qu'on écoute. J'étais parti dans le premier volume de cette opposition en quoi se manifeste l'art culinaire qui est quelque chose de fondamental, en effet, pour l'espèce humaine, puisque c'est une différence essentielle entre l'homme et l'animal, que l'un mange sa nourriture crue et que l'autre la mange totalement ou partiellement cuite. Et où j'ai essayé de montrer que c'était précisément par le moyen de cette opposition que les Indiens d'Amérique du Sud essayaient d'expliquer, de rendre manifeste le passage de l'état de nature à l'état de société. Mais à partir du moment où on commençait à éclairer le problème de cette façon-là, eh bien, il ne devait pas manquer de s'élargir et de s'enrichir. Déjà dès le deuxième volume, je me trouvais en présence d'une autre position qui est engendrée en quelque sorte par la première, qui est celle du plus que cru et qui est représentée par le miel, aliment tout préparé, nourriture exquise par excellence, et que cependant la nature propose à l'homme sous la forme de quelque chose qui, tout en étant plus que cru, et si je puis dire, mieux que cuit. Voilà, Claude Lévi-Strauss sur l'antenne de France Culture le 12 septembre 1969. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre, Marilène Patou-Matisse. Oui, bon, déjà, c'est quand même un grand respect parce que c'était un immense chercheur. Mais c'est vrai qu'actuellement, on est en train beaucoup de remettre en question cette différence entre nature et culture. J'incline les auditeurs à lire les livres de Philippe Descola, par exemple. Parce que quelle est la frontière? Qu'est-ce que veut dire nature? Qu'est-ce que veut dire culture? Est-ce que l'homme n'est pas les deux? Et je pense que oui. Donc, de chercher une frontière bien marquée, qui séparerait d'une façon claire tout ce qui relève de ce que lui appelle l'animal, moi je dirais du non-humain, avec l'humain, avec la société. Bon, je pense que là, il faut revoir ça un petit peu différemment. Et je crois que c'est une étape importante, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui marque, en tout cas, un événement important dans les sociétés, la cuisson. Et le feu, surtout, c'est plus le feu, au départ, à mon avis, que aussi la cuisson. Donc ça, c'est juste. Mais c'est cette différenciation que, pour nous, c'est un peu plus difficile à faire maintenant. Je vais renvoyer les auditeurs à l'émission entière que nous avions consacrée à Philippe Descola, qui était assez micro, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Peut-être effectivement un mot pour confirmer cela aujourd'hui, Marie-Hélène Moncel, le cru du côté de la nature, le cuit du côté de la culture, c'est vrai que c'est une distinction qui est obsolète. Oui, et puis je reviendrai peut-être à des données plus concrètes, c'est-à-dire archéologiques, par rapport à des sites sur lesquels on travaille. Par exemple, je travaille moi à la fois sur des groupes humains qui maîtrisent le feu et des groupes humains qui n'ont pas le feu, c'est-à-dire antérieurement à 450 000 ans. Et en fait, on s'aperçoit que ces groupes sont capables de s'adapter à des environnements extrêmement variés et le feu n'est pas une condition sine qua non pour occuper des territoires même parfois un peu froids. Et je reviendrai à une publication toute récente qu'on vient de faire sur un site acheuléen qu'on a trouvé dans le nord de la France, qui est paru hier dans Scientific Reports, qui recule de 100 000 ans l'occupation du nord de la France, autour de 650 000 ans, des acheuléens. Et ce qui nous a surtout surpris, c'est que les hommes étaient présents lorsqu'il faisait froid. Or, jusqu'à maintenant, on disait toujours l'occupation de l'Europe du Nord-Ouest est impossible sans le feu. Donc, en fait, ils n'étaient là que lorsqu'il était, les conditions étaient très tempérées. En fait, ça montre que le rapport de l'homme à l'environnement est beaucoup plus complexe et que le feu n'est pas une condition sine qua non pour les occupations humaines. Et puis, je rebondis, je ne vais pas faire ça toute l'heure, mais puisque vous me tendez le bâton enflammé, dirais-je, nous avions consacré aussi une émission passionnante à cette question, à cette grande controverse autour de la maîtrise du feu. Là aussi, on va vous remettre le lien si vous souhaitez l'écouter sur notre fil Twitter que vous pouvez retrouver également sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On a parlé du cru et du cuit de Lévi-Strauss. Il y a un autre ouvrage plus récent, alors qui n'a pas été traduit en français, mais qui est un ouvrage pourtant qui fait date parce qu'il a été particulièrement contesté, qui pose un peu les termes de ce problème temporel entre la maîtrise du feu et puis les suspicions de modifications morphologiques et cognitives qui pourrait être liée à la cuisson beaucoup plus tôt. Cet ouvrage, c'est un ouvrage de Richard Wrangham qui s'appelle Catching Fire, How Cooking Made Us Human, c'est-à-dire attraper ou maîtriser le feu, comment la cuisson nous a rendus humains. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette thèse qui est celle de Richard Wrangham qui a été publiée au début des années 2000, Marilène Patou-Matisse? Voilà, moi, je crois que c'est quand même un peu réducteur. Je pense que là, il fait fi de toutes les innovations, de toutes les créations qu'ont eu les humains donc avant la domestication du feu, la maîtrise du feu. Donc là, je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un peu jeté là, un petit peu en pâture exprès pour être peut-être justement contesté et un peu faire, comme on dit maintenant, un peu de buzz. Mais honnêtement, on peut pas dire ça, puisque là aussi, une fois de plus, c'est réducteur, alors qu'il y a énormément d'autres facteurs, d'autres innovations qui ont fait progresser, avancer au niveau technologique et au niveau sociétal les humanités différentes qui se sont succédées. Donc je pense que, à mon avis, là aussi, c'est un point de vue peut-être que j'appellerais moi un peu anglo-saxon. Vous savez, il y a une différence de vision entre l'archéologie européenne et l'archéologie anglo-saxonne. Marie-Hélène Moncel. Oui, moi je pense qu'en fait le feu, comme dit très bien Marie-Hélène, il y a énormément d'innovations, énormément d'autres choses dans l'histoire humaine. Mais je pense que le feu va avoir un fort impact sur la gestion des territoires, d'après mon expérience. C'est-à-dire que le fait de pouvoir cuire, de pouvoir fumer la viande, va permettre d'accumuler des réserves et va permettre en fait de sans doute gérer différemment la mobilité de ces groupes humains. On sait qu'ils sont chasseurs-cueilleurs, ils bougent selon des critères alimentaires, mais pas seulement. On est certain qu'il y a sans doute des critères culturels qui expliquent la mobilité. Mais sans doute que ce rapport à la nourriture qui se modifie va aussi entraîner énormément d'impact sur la manière de gérer le territoire. Bien sûr, en fonction des conditions climatiques, de la topographie, etc. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment un très très fort impact. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de la cuisson, de la façon dont la cuisson a façonné l'évolution, dans quel sens. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Marie-Hélène Patoumatis et Marie-Hélène Moncel. Alors on va remonter un peu en quelque sorte ce fil alimentaire. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, Marie-Hélène Patoumatis, dater l'apparition de l'alimentation carnée dans le genre homo? Est-ce que les premiers hominines, les premiers hominidés étaient 100% végétariens? Est-ce qu'on a tout de suite été omnivore? Est-ce que ça, déjà, on en a des traces fossiles, archéologiques précises? Ah oui, là, il y a eu beaucoup, beaucoup, ces dernières années de renseignements. On a fait beaucoup de biogéochimie, beaucoup d'analyses, de certains éléments isotopiques, comme le carbone, l'azote, etc., l'oxygène. Et on montre actuellement que la vision qu'on avait, qui était assez simpliste, de dire, tout ce qui n'est pas humain avant sont des végétariens, donc on parlait justement des Australopithèques robustes, des paranthropes, etc. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et comme vous le savez, il y a eu une découverte incroyable, c'est la découverte d'outils avec une date antérieure donc à l'apparition des homos, du genre homo. Donc ça voudrait dire que des australopithèques ou voire des paranthropes, pourquoi pas, auraient taillé des outils. Donc pourquoi on taille des outils? C'est pour faire quelque chose. Australopithèques, paranthropes, on est à combien de... On peut discuter jusqu'à 3 millions, 3 millions et demi, on peut remettre en question. Et c'est pour ça qu'il y a des gros travaux. En ce moment, d'ailleurs, j'ai un étudiant qui va soutenir une thèse qui travaille en Afrique du Sud sur ce problème, sur les paranthropes. Est-ce que les paranthropes, justement, ont utilisé des outils, même très frustes et tout, pour décharner, pour récupérer de la viande sur des carcasses. Donc, ce sont probablement, dans les sites qu'il étudie, des paranthropes. Donc, ils ne sont pas encore du genre homo. Donc, vous voyez, c'est complexe parce que des choses qui étaient très simples, l'omnivorisme apparaît avec le genre homo. C'est vrai que, dès le départ, le genre homo est omnivore. C'est vrai qu'il consomme des protéines animales, des insectes, notamment au début. Mais même avant, il y a probablement déjà une consommation d'aliments carnés et de protéines animales. Ça va dans le grand sens de cette transformation, d'une évolution du genre qu'on voyait comme un arbre et qu'on voit aujourd'hui de façon buissonnante. Effectivement, si on repart dès le départ, dès le début, ou le point de départ, en tout cas tel que l'on le connaît maintenant, du genre Homo habilis, comment est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui son régime alimentaire? Est-ce qu'on a des éléments pour le qualifier, Marie-Hélène Moncel? Comme le dit Marie-Hélène, avec toutes les nouvelles méthodes qui ont été mises au point avec les isotopes, on s'est aperçu que la gamme, le registre alimentaire de ces hominidés, jusqu'à Néandertal aussi, était beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé, parce qu'avant on se basait surtout sur les restes de grande faune qu'on trouvait dans les sites. On s'est aperçu aussi qu'il y avait un petit gibier qui était chassé, mais également la part du régime végétal, qui est de plus en plus grande. On s'en aperçoit par le tartre, par exemple, l'analyse du tartre où on retrouve donc ces éléments végétaux. On le voit aussi pour les outils préhistoriques. Par exemple, des spécialistes sont capables de dire que certains outils ont travaillé du bois, ont découpé des plantes. Donc en fait, il y a une exploitation beaucoup plus large que ce qu'on imaginait de l'environnement, que ce soit depuis les habilis jusqu'à Néandertal. Alors bien sûr, Néandertal, on a énormément d'informations parce que les fossiles sont beaucoup plus nombreux, les sites plus nombreux. Mais quand même, de plus en plus, en reculant dans le temps, on accumule cette idée que le registre alimentaire était vraiment très large. Alors, on va voir que le point de controverse ou de divergence se situe aux alentours de 2 millions, 1 million et demi d'années autour d'Homo erectus. On va poser les termes du débat très très précisément. Peut-être préciser tout de même quelque chose que l'on sait aujourd'hui et qui là aussi a fourni beaucoup de littérature scientifique, c'est que l'alimentation crue stricto sensu est une alimentation qui n'a pas le même apport énergétique qu'une alimentation cuite. Il y a une différence aujourd'hui pour les apports énergétiques, que ce soit physiologique, musculaire ou même cérébral, Marie-Hélène Patoumatis. Oui, mais ce qui est important aussi, c'est de voir que dans un animal, c'est vrai qu'on parle souvent de la viande, c'est-à-dire du muscle, mais il y a aussi la graisse. Et on s'aperçoit aussi que ce qui est très très important, c'est de lier les deux. Donc si vous ne mangez uniquement que des beaux morceaux de muscle, de viande rouge et pas de graisse, vous allez avoir un vrai problème. Et donc c'est pour ça que là, on s'aperçoit qu'avec les nouvelles recherches, moi je crois que c'est important, c'est qu'on peut dire que presque dès les origines des hominines, de l'humanité, c'est l'omnivorisme. Je crois que ça, c'est une donnée importante. Avant, on était dans une tendance de dire c'est des carnivores. Maintenant, on a une vision plus large. Déjà, très tôt, on est omnivore. Mais on n'est pas non plus végétarien. Je dis ça pour nos amis végans. Donc, il y a quelque chose qui est important de voir que très tôt, il y a cette diversité, comme le dit Marie-Hélène, d'alimentation. Donc, et ça, c'est important. Mais surtout, j'aurais quand même revenir sur quelque chose qui, moi, me paraît très important, c'est quand même, on peut pas nier non plus qu'à un moment donné, le fait de manger de la viande de grands mammifères ou de petits gibiers, mais en tout cas de mammifères et tout, a été fondamental dans, à mon avis, le processus d'hominisation, voire d'humanisation. Bien sûr. La question est en plus la question de l'apport énergétique et de la différence d'apport énergétique entre une nourriture stricto sensu crudivore et une nourriture qui, d'un seul coup, commence à être travaillée, cuite ou bouillie. J'ai lu, là, en préparant cette émission, que si on voulait avoir le même apport énergétique aujourd'hui en ne mangeant que des aliments crus, quels qu'ils soient, viande ou légumes, il faudrait consacrer 10 heures par jour à la nourriture, alors qu'on nous consacre à peine 5% de notre temps, Marie-Hélène Moncel. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la viande hein, aussi, comme le disait Marie-Hélène, il n'y a pas que le muscle. Par exemple, dans les sites néandertaliens, quand on a la faune bien conservée, on s'aperçoit qu'ils explosaient les os pour récupérer la moelle. Donc le gras, ce gras, cette matière énergétique et la moelle étaient fondamentales pour eux. On a aussi la preuve dans certains sites de bouillon gras. C'est-à-dire qu'on récupère des os avec encore du gras et on les fait cuire, en quelque sorte, bouillir pour récupérer cette eau un peu bouillie. Donc toute cette graisse est fondamentale. Mais on sait aussi que vraisemblablement, ces hominidés, ces néandertaliens, consommaient aussi la panse des animaux dans lequel il y avait de la végétation, hein, de la verdure. Donc il y avait une sorte de complément énergétique extrêmement large. Et pour revenir aussi sur l'idée de la cuisson, je pense aussi que la cuisson, elle a dû avoir un impact au niveau de la digestion. Parce que quand on mange de la viande crue et quand on voit certains sites avec sans doute tous les vers qui devaient s'installer avec la viande qui pourrit et qui donc devait être consommée dans un état qui n'était pas forcément très frais, je pense que la cuisson a dû apporter quand même du bien-être au niveau de la digestion. Par exemple, on a certains sites, encore, je vais donner un exemple d'un site sur lequel je travaille qui date de 700 000 ans, qui est un des plus vieux acheuliens du sud de l'Europe. On a, par exemple, on sait que les hommes venaient près de Paléochenaux où il y avait des carcasses de grands herbivores qui étaient morts naturellement, dont des grands éléphants, des éléphas anticus. Donc on peut imaginer que parmi cette viande, toute ne devait pas être dans un état de conservation extrêmement frais. Et donc pourtant, ils ont survécu à des centaines de milliers d'années en consommant cette viande crue. C'est d'ailleurs l'une des thèses de Wrangham hein, dans son livre, de dire que avoir commencé à cuire les aliments, ça a eu plusieurs effets. Ça a eu un effet énergétique, donc d'un apport énergétique supplémentaire. Ça a eu un effet physiologique sur la musculature de la mâchoire. Ça a eu un effet physiologique aussi sur la réduction de la taille des intestins. Tout ça a une certaine logique quand on examine ces arguments. C'est clair, mais il faut faire attention. Il y a des peuples, notamment arctiques, qui ont une consommation pendant. Maintenant, c'est évidemment, ça a changé. Une consommation vraiment très très importante de viande crue. Je veux dire, et de graisse non cuite. Donc, je veux dire, c'est aussi, ils ont un métabolisme légèrement différent, justement, au niveau de la digestion et tout. Donc, peut-être que là, il ne faut pas négliger l'hypothèse que peut-être que le métabolisme, étant bien sûr, mais de je parle d'une autre, mais était peut-être aussi un peu différent, comme était celui des Inuits, par exemple, jusqu'au 19e siècle. Donc, je pense que là, il faut faire un petit peu attention. Nous sommes un résultat d'une évolution, et surtout d'une évolution comportementale. C'est-à-dire que notre alimentation, excusez-moi, je veux dire qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de produits, même s'ils sont cuits, ils ne sont pas forcément très bons à notre santé. On voit qu'aussi notre métabolisme est un peu en train de se transformer. Donc je pense que, si vous voulez, c'est pour revenir à cet auteur, à son travail, il faut faire très attention de quoi on parle. Il faut pas négliger qu'il n'y avait pas forcément exactement le même métabolisme, surtout si on remonte très très loin. Il y a 1 million ou 2 millions d'années, moi je suis incapable de vous dire quel était le métabolisme exact des premiers Homo habilis. C'est quand même, je pense qu'il faut rester prudent. Voilà. Bien sûr. Non, alors, on redit, hein, bien sûr, que ces travaux de Wrangham sont contestés. Il y a des choses intéressantes à y prendre, et c'est pour ça que je vous le soumets pour qu'on puisse en discuter. Notamment, Marie-Hélène Moncel, alors pour détailler un peu cette thèse-là, et donc il dit que effectivement, non seulement ça a changé évidemment la structure de la mâchoire, mais que l'énergie qui est gagnée, qui est économisée dans la digestion, du coup, est rendu disponible par le cerveau. Et il corrèle cette modification physiologique à l'apparition d'Homo erectus, dont on trouve qu'il a les premiers traits qui vont petit à petit déboucher sur l'homme moderne. Qu'en pensez-vous, Marie? Oui, mais bon, les plus anciennes traces de feu, elles existent bien sûr autour d'un million d'années. Là, il y a quelques exemples, mais c'est quand même quelque chose de très sporadique et on n'est pas du tout sûr. Le site kényan dont je parlais tout à l'heure, 1,5 million. Hein. Voilà, mais on n'est pas du... Par exemple, il y a un autre site aussi en Israël, Benot Yaakov, moins 800 000 à peu près. Voilà, il y a un autre site en Afrique du Sud, Vanderwerk, où ils avaient quelques évidences de feu. Mais tout ça, ce sont quand même des exemples très fugaces, sans doute une incapacité à refabriquer soi-même le feu. Donc c'est peut-être récupération d'un feu naturel et qu'on entretient, mais qu'on n'est pas capable. Donc il y a tout de même, à ce moment-là, vers un million d'années, de très grandes innovations techniques, comme l'apparition, par exemple, des bifaces. Et cette innovation n'est sans aucun lien avec le feu. Donc il y a quand même toutes des étapes d'évolution cognitive qui sont quand même très indépendantes du feu. Donc il ne faut pas non plus lier. Moi, je pense que le feu, alors je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a une sorte d'apparition un petit peu partout. On le voit apparaître à notre échelle, bien sûr, puisqu'avec notre capacité de datation des sites. Donc beaucoup plus tard, vers moins 500 000. Voilà, vers 450 000 ans. Voilà, on a plusieurs sites en Europe ou ailleurs où il y a vraiment la preuve d'évidence de feu et sans doute de la capacité à le reproduire. Donc pourquoi à un moment donné? Sans doute parce que, à un moment donné, il y a toute une série d'innovations qui vont aussi apparaître en Europe, notamment autour de cette date-là, et qui suit un très long période glaciaire, qu'on appelle, nous, dans notre langage, le Sadisotopique 12, qu'importe. Et ce très long interglaciaire qui est extrêmement froid va succéder à une très longue période tempérée. Et c'est dans cette période tempérée qu'on voit des innovations autres aussi que le feu apparaître. Par exemple, les plus vieilles traces de chasse organisées dans un site allemand, par exemple à Schöningen. Et donc, en fait, ils sortent, on a l'impression que dans cet amalgame, ce creuset de modifications, va émerger également le feu en même temps que d'autres innovations. Mais il y a bien eu, avant le feu, de quantités d'innovations qui sont indispensables pour expliquer l'apparition du feu vers cette date-là. Marilyn Patou-Patisse. Oui, je voulais ajouter, là on est en train de dire que le feu n'a pas forcément au niveau de la cuisson des aliments, c'est l'aspect aujourd'hui développé. Le feu a eu son importance, on le sait très bien, après au niveau sociétal. C'est pour ça, on n'est pas du tout en train de dire, pour rejoindre sur la thèse de Rogan, on n'est pas en train de dire que c'était pas important. Là, on est sur une question sur la cuisson, sur le cru, le cuit. Mais c'est vrai que, évidemment, qu'après, si on va plus loin, le feu, ça a été un changement très important pour beaucoup de choses, notamment au niveau, je vous dis, sociétal, de l'entre-soi, comme ça, autour de ce feu. Et, bon. Mais ce qui est important aussi à voir, c'est que dans la cuisson des aliments, quelque chose qui va être peut-être important pour ces hommes-là, pour ces humains-là, c'est d'avoir une plus grande diversité encore. C'est-à-dire que certaines choses, justement, qui n'étaient pas consommables, parce que soit justement une viande un peu trop avariée ou surtout des végétaux toxiques qui sont plus toxiques, ou en tout cas, même s'ils sont pas toxiques, ils sont pas très bons ou très durs, etc. Donc là aussi, ça va augmenter cette diversité et favoriser, puisque justement, si c'est plus divers, favoriser le fait que ça soit moins aléatoire, qu'on puisse aller, on n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver sa nourriture, parce qu'on trouve autour de soi. On peut se déplacer avec, on peut la conserver. L'efficacité. Vous savez, le fumage, nous, on a mis en évidence, avec mon équipe, des traces, justement, de ce que les Indiens appellent le biltong, les Amérindiens, dire qu'on a mis en évidence qu'ils prélevaient, là je parle des Néandertaliens, des lanières de viande, qu'ils faisaient sécher et tout, parce qu'on a bien ces traces. Vous savez, c'est un bon, si vous mangez de la viande cuite, vous n'avez pas laissé de traces sur les os. Par contre, si vous enlevez la viande crue sur l'os, vous allez laisser des traces. Et nous, on les voit, c'est une longue, fine strie. Et donc, on voit qu'ils ont fait ça pour justement le garder, le transporter facilement, etc. Donc, c'est vrai que là aussi, comme le disait Marie-Hélène, c'est important de voir que ça facilite aussi là des déplacements, parce qu'on peut transporter avec soi et ça se conserve plus longtemps de la nourriture et notamment de la viande séchée. Marie-Hélène Moncel. Oui, je voulais aussi rajouter que le feu ne va pas avoir qu'un impact sur l'alimentation. Bien sûr. Par exemple, dans de très rares sites, on a retrouvé des épieux en bois, qui étaient des sortes de grandes lances qui servaient à chasser. Et on a pu prouver dans certains cas que l'extrémité avait été appointée et brûlée pour redonner une certaine force à l'extrémité. Pour la durcir, oui. Voilà, pour la durcir. Donc en fait, le feu va avoir un impact dans de multiples aspects de cette vie quotidienne de ces individus, pas seulement l'alimentation. C'est la question qui se pose. Alors, il y a aussi un élément qui est assez troublant quand on lit les travaux de Rangam, c'est celui de la dentition. Rangam explique notamment que entre les dents d'Homo erectus et les dents d'Homo sapiens, Reims aujourd'hui. Si vous en donnez deux à un dentiste même extrêmement qualifié, il serait incapable de faire la différence. C'est-à-dire que les dents ont changé et donc auraient changé vraisemblablement grâce à un changement de nature de l'alimentation. Et je précise bien que quand on parle de cuisson, on ne parle pas que cuisson de la viande, mais on parle aussi de la cuisson d'un certain nombre de légumes, notamment de racines, de végétaux, qui n'étaient pas comestibles sans pouvoir être cuits ou qui pouvaient même éventuellement être toxiques. Que faut-il penser de cette affaire de dentition ? Est-ce que c'est peut-être un peu extrapolé, exagéré, Marie-Hélène Patoumatis ? Non, je pense un peu, là, il faudrait demander des précisions à nos collègues paléanthropologues, mais en fin de compte, quand même, on voit qu'il y a une robustesse des dents quand même plus importante chez Erectus, par exemple, que chez Sapiens. Donc ça, surtout des molaires et tout, qui sont extrêmement quand même encore broyeuses. Mais c'est vrai que par rapport à avant, où c'est vrai, c'est qu'il y a, comme vous le disiez très justement, il y a une gracilisation du visage parce que les masséters, c'est-à-dire les muscles masticateurs, évidemment, sont moins puissants puisqu'on doit moins broyer, moins mâcher les aliments. Et donc, il y a une réduction, il va y avoir une gracilisation de la face. Et c'est sûr que les mandibules et tout, même il va y avoir après, les dents vont se réduire, vont être beaucoup moins développées, moins broyeuse. Mais ça, c'est sûr que par rapport à avant, c'est vrai qu'il y a peut-être un saut. Mais là, c'est une vision peut-être un peu large qu'on a, un peu ancienne. Il faudrait voir précisément maintenant les analyses beaucoup plus fines de nos collègues paléanthropologues. C'est peut-être pas si marqué. Si on prend une population, est-ce que peut-être certains individus, c'est vrai, peut-être pas d'autres. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau, par contre, la robustesse là, du crâne, ça c'est évident qu'au niveau de la mandibule et tout, on a quand même, bon, les insertions, on le voit très bien, est quand même moins puissant. Donc c'est vrai que ça a changé, ça a modifié. Mais nous, plus ça va aussi, regardez, qui va garder ces troisième molaire, elle est dans le sagesse. On est de plus en plus à manger. Si vous voulez une confidence, je n'ai pas de dents de sagesse, je fais voilà, partie du futur. Vous êtes déjà un posthume. Je suis, mon Dieu. Si, il fallait que j'apprenne ça aujourd'hui. Marie-Hélène Moncel, peut-être un mot aussi pour dire que, effectivement, cette thèse de Wrangham, donc, qui peut être effectivement contestée sur un certain nombre de points, elle part du principe que d'un seul coup, il faudrait que la cuisson apparaisse et se généralise à 1,5 million d'années. On peut penser qu'il y a effectivement toute une période de transition et qu'il n'y a pas que la cuisson, il y a aussi la préparation des aliments, le découpage, le broyage, qui est une forme finalement de préparation, donc de cuisine sans feu, mais en tout cas qui permet d'ingérer, de transformer la nature des aliments, de les accommoder, peut-être de les rendre aussi plus efficaces énergétiquement. Oui, c'est comme je vous disais, le registre alimentaire maintenant s'aperçoit qu'il est très très vaste, même pour les hominidés avant l'apparition du feu. Il faut aussi remarquer quand même que dans certains sites néandertaliens, c'est ça qui est un peu surprenant, il n'y a pas toujours le feu. Donc il y a des groupes humains, et on ne sait pas l'expliquer, dans certains cas, qui viennent s'installer dans une cavité ou dans un site de plein air et qui ne vont pas utiliser le feu. Donc le rapport au feu est sans doute beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que comme le régime alimentaire est très vaste, on a aussi, comme sur les outils préhistoriques, la preuve qu'on travaille des plantes, qu'on découpe le bois, etc. Donc, il devait y avoir aussi, sans doute, des éléments de broyage pour travailler des racines. Et c'est sûr que consommer une racine qui n'est pas cuite, ça peut expliquer également, sans doute, pourquoi certaines molaires étaient extrêmement puissantes et certains muscles masticateurs étaient extrêmement puissants. Mais avec l'apparition du feu, c'est sûr qu'on va avoir une gamme de facilité de transformation de ces aliments. Et, comme je le disais, sans doute un rapport à l'environnement qui va se modifier grâce à ce traitement peut-être de l'alimentation, à la cuisson, au fumage, au rapport à la mobilité dans l'environnement. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir un impact, pas seulement que sociétal, un impact concret sur la vie quotidienne. Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangées dans le musée Grévin du Ciné-Club et de Sam Levin, regrette autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font Florès en Vison Sport et Mercedes rejoindront au Cinémathèque Musidora et le fils du chef, mais regretteront pardi au temps du flashback en bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font joujou en Barouge Vif et Scooby-Doo à leur retour feront Florès en Cosmoscope ou Vadim Express, puis puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Mais celle qui faisait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès et qui depuis font gémir le corset de fer sous le poulant cachemire, plutôt que de faire des pâtés sur leur carte d'identité pour retenir l'amant joli qui se débine, vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine. La cuisine de Juliette Gréco à 16h35 sur France Culture, puisque c'est ce dont il est question, l'apparition de la cuisson dans l'évolution du genre homo. Nous en parlons avec Marie-Hélène Moncel, qui est directrice de recherche CNRS et préhistorienne au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Marie-Hélène Patou-Mathis, également directrice de recherche CNRS. Vous vouliez réagir justement à cette petite chanson de Juliette Gréco qui vous a fait sourire. Oui, je souris parce qu'en fin de compte, c'est... elle est tout à fait dans le vent et beaucoup d'interprétations justement des comportements humains dans cette lointaine préhistoire. C'était là aussi au niveau de la préparation culinaire autour du foyer. Qu'est-ce qu'on voit dans les reconstitutions, dans tout, des femmes. C'est-à-dire que évidemment, celle qui va faire la cueillette, c'est la femme. Celle qui va préparer après les repas, c'est la femme. Et là, on est dans un cliché tout à fait archétypal. Bien on sûr. Va dire vraiment, c'est là. Et qui a été largement battu en brèche en plus par des découvertes récentes, tout à fait. On a vu des sépultures, exactement. Des femmes enterrées avec des armes. Exactement, et on ne sait pas du tout qui, mais ça reste que comme la préhistoire a été construite, si j'ose dire, au 19e siècle, voilà, c'est la société bourgeoise du 19e siècle où la femme n'a aucun rôle économique, elle est dans son foyer, elle doit rester là et préparer les aliments. Donc vous voyez comme quoi la raison, alors peut-être c'était pour retenir son chasseur... Mais bon, c'est assez amusant. Marie-Hélène Moncel. Oui, bien évidemment, nous n'avons aucune idée de la manière dont était organisé le partage des tâches, et d'autant plus que dans la plupart du temps, on n'a même aucune idée de la taille des groupes. Par exemple, dans certains sites néandertaliens, on suspecte, par rapport à des comparaisons avec des groupes actuels ethnologiques, etc. Mais en fait, on n'a absolument aucune idée, et on a de très rares informations sur même la composition des groupes. Il y a juste un site, par exemple, en Espagne, qui est assez extraordinaire, El Cidron, autour de 48 000 ans, où ils ont trouvé plusieurs restes néandertaliens, des mâles et des femelles. Ils ont montré que les mâles étaient apparentés, pas les femelles. C'est-à-dire, en fait, qu'il y avait une introduction de femmes venant de l'extérieur. Et là, on a une petite idée. Bien que ce soit donc des corps qui ont été déposés, donc qui ne sont pas du tout forcément le reflet de la réalité, mais on n'a absolument aucune idée de la composition des groupes et comment était organisé le travail. Et on va continuer à explorer cette histoire de la cuisson, essayer de comprendre comment et quand elle est intervenue. Alors je vais vous donner un indice tout de suite, on ne tranchera pas cette question au cours de cette heure, mais et pour une bonne raison, c'est que trouver des traces archéologiques, des traces fossiles indiscutables de la cuisson alimentaire, c'est une tâche compliquée, mais ça n'est pas une tâche impossible. Impossible n'est pas archéologue. Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez rencontré une géoarchéologue de l'Institut National d'Archéologie Préventive dont l'expertise apporte justement un éclairage sur les méthodes de cuisson au paléolithique. Oui, avec le temps, les feux domestiques laissent très peu d'indices derrière eux finalement, mais en sondant les vestiges de foyers en profondeur, il est possible de faire de l'analyse microstatigraphique. Ainsi, en fonction des sédiments, de leur degré de carbonisation et aussi en lien avec les restes organiques comme des bouts d'os, on peut reconstituer des méthodes de cuisson. C'est la spécialité de Julia Vattès qui a étudié de nombreux foyers préhistoriques dans le bassin parisien. Ce foyer est situé à Étiole, dans l'Essonne, sur les rives de la Seine. Ce foyer est encore plus important du fait de sa conservation. Il permet, d'un point de vue en tout cas des archives sédimentaires, ce dont s'occupe la micromorphologie, vraiment d'essayer d'approfondir le geste des techniques de cuisson, mais aussi peut-être de la diversité des usages au sein de l'espace domestique. Quelle hypothèse on peut établir à partir de cette analyse statigraphique, microstatigraphique ? Alors, sur ces sols, on regarde les marqueurs liés aux températures, à l'altération thermique. Donc, on a les marques, les petits remaniements mécaniques. On a ensuite ces couches de cendres et de charbon, mais qui sont parfois mêlées avec des esquilles d'os. Alors après, la question, c'est est-ce que ces esquilles d'os sont brûlées, mais elles ne sont pas carbonisées. Donc, est-ce que ça vient des aliments qu'ils ont cuits, donc de la viande à cuire avec l'os qui a cuit et chauffé, et dont on n'a plus que les rejets après consommation. Après, pour les fragments de pelage, ben voilà, il y a plein de questions qui se posent. Alors si on essaie de se pencher plus dans le détail de ce foyer, qu'est-ce qu'on va chercher ? Alors, donc la première chose, c'est de repérer la stratification plus fine qu'on peut observer en la mince, mais à l'œil nu. Puisqu'après, on analyse au microscope. Et en fait, on a une vision beaucoup plus claire des petites couches qui correspondent aux différents événements du fonctionnement du foyer ou à son abandon. Et une fois qu'on a reconnu ces petites couches, on identifie les constituants. Donc, par exemple, il reste de cendres, de bois carbonisé. La façon dont il a brûlé, parce que ça peut être carbonisé beaucoup, enfin vraiment très noir, donc enrichi en carbone, et ça veut dire que c'est des températures élevées, donc ce qui n'est pas le cas dans les foyers paléolithiques, ou parfois partiellement carbonisé, donc ça donne quelques petits éléments comme ça qui permettent d'apporter un petit os, un petit agrégat de cendres. Dans le cas d'un foyer d'étiole, il y a des fragments de pelage animal. Alors, c'est des poils d'animaux carbonisés, c'est pour ça qu'ils sont conservés. Voilà, donc là, il y a des recherches. Mais est-ce qu'on peut supposer qu'ils aient été consommés ? Alors, voilà. Donc, du coup, comme il y a de ces petits esquidos, il y a ces activités qui sont autour du foyer. Donc, on peut supposer, ça permet de documenter aussi le fait que ça a pu servir à la cuisson, soit en effet la préparation de la viande. Ce ne sont que des hypothèses, bien évidemment. Donc là, c'est un prélèvement qui a été fait en bloc, de manière à pas remanier les sédiments, vraiment garder la stratification et d'origine. Ensuite, c'est imprégné avec des résines synthétiques. Donc ça, c'est au laboratoire. Pour conserver l'organisation initiale sans modifier les propriétés des constituants. Donc on a figé, en gros. C'est figé. Donc on peut couper sans abîmer. Et ensuite, c'est collé sur une lame de verre. Et puis, c'est aminci par une machine qui le fait automatiquement. Mais enfin bon, il faut être très vigilant. Il faut mettre des dimensions micrométriques, là. Voilà, il faut arriver à une épaisseur d'environ 25 microns parce que c'est l'épaisseur à laquelle, en pétrographie, on peut reconnaître les propriétés des minéraux et des éléments semi-organiques. Voilà, donc la lame mince fait à peu près une quinzaine de centimètres de hauteur sur 5 centimètres de large. Donc là, on a dans la hauteur la reconstitution de la profondeur. Alors voilà, vous pouvez voir à la base une couche qui est un peu grise, sableuse, légèrement limoneuse, avec des cavités racinaires. Ça, c'est la base du sol dans lequel ils ont creusé, le sol alluvial. Et puis, vous avez une limite qui est marquée par des sédiments qui sont plus bruns, des petites taches charbonneuses. C'est des restes calcinés. Voilà, calcinés, avec le reste de la base du foyer qui a été, disons, nivelé avec une petite couche de sédiments et qui est brûlée. Alors, brûlée à un stade pas très important, c'est brunifié, donc c'est une température qui est pas au-delà de 500 degrés. Et on voit que les petits charbons sont pris dans cette couche. Ils sont enclavés dans la couche inférieure. Voilà. Donc, il reste quelques petits charbons en surface, un petit gravier calcaire qui est brûlé. Et ensuite, on a une deuxième phase d'utilisation avec la mise en place d'une nouvelle petite couche de sédiments qu'ils ont apportée, qui présente des caractéristiques un peu plus orangées. Ça veut dire qu'il y a une légère altération plutôt en milieu oxydant. Voilà. Et la partie supérieure est beaucoup plus altérée. Voilà. Donc ça montre qu'il y a quand même une utilisation plus longue, mais toujours avec des températures qui restent dans une gamme modérée, qui marcherait très bien avec la cuisson des aliments. Ce qui n'empêche qu'au moment de la mise à feu des combustibles, il y a aussi un peu un éclairage, mais c'est moins bien enregistré. Et puis bon, ça recommence comme ça. Donc vous avez de temps en temps des petits esquis de silex, voilà. Voilà, vous avez quand même des petits rejets domestiques, comme une petite esquille de silex qui atterrit, et ça s'empile en étages, comme vous dites. Et on voit aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, des petits agrégats charbonneux qui sont enclavés. Donc on voit que ça a été gratté, écuré, pour pouvoir redémarrer une combustion. C'est incroyable, parce que là, on a une page d'histoire sous les yeux, dans la main. Voilà, alors après, on a des limites. Par exemple, on ne peut pas dire combien de temps ça a duré. Mais c'est là où le croisement des expertises avec les paléoanthropologues vient. Voilà, les archéologues lithiciens, la stratigraphie archéologique avec mes autres collègues géomorphologues et géoarchéologues, les datations, voilà. Voilà cette analyse stratigraphique des foyers paléolithiques et ce qu'il nous enseigne sur l'alimentation de nos ancêtres. Peut-être une réaction simplement l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Marie-Hélène Moncel. Oui, là, cet exemple, c'est très intéressant. Ça montre une méthode que l'on applique aussi sur des sites néandertaliens avec des foyers. Là, la personne parlait d'Étiole, qui est un site magdalénien, qui est pour nous récent, paléolithique supérieur. Mais par exemple, elle expliquait aussi la complexité de ce foyer avec des allées et venues très fréquentes de ces hommes. En fait, dans les sites néandertaliens, on s'aperçoit que c'est souvent des foyers qui durent très peu de temps parce que ce sont des occupations très courtes, donc petites lentilles, qui n'ont pas le temps de cuire beaucoup l'argile qui est dessous. Mais ce qui est intéressant surtout depuis quelques années, on s'aperçoit que ce qui va servir de combustible est extrêmement varié chez les Néandertaliens. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que du bois, il y a différents types de végétaux, mais il y a de l'os aussi. L'os peut aussi alimenter. Et on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir des hydrocarbures fossiles que ces Néandertaliens, donc une connaissance parfaite de leur environnement qu'ils récupéraient pour alimenter leur foyer. Donc là, on utilise les mêmes méthodes, mais on a une approche différente parce que les occupations sont très courtes et donc ils laissent moins de témoignages et moins de complexité au foyer que l'on doit faire parler. Vous nous dites que les Néandertaliens sont les premiers pétroliers de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Ils ont utilisé dans deux minutes, vous allez nous dire qu'ils avaient des mobilettes. Ils ont utilisé les lignites, hein, faut pas oublier, aux canalettes, dans un site, aux canalettes dans l'Aveyron. Ce que je voulais dire sur Marie-Laine ça, Patou-Matisse. c'est qu'il y a aussi... Une autre spécialité que je me permets d'en parler parce que c'est la même d'archéologie où on travaille sur ces ossements. Et là aussi, par exemple, quelque chose de très simple, c'est le fait qu'on se trouve des fois avec un os où il y a une partie sans calcination et des extrémités calcinées. Là, on est dans quelque chose où on peut avancer l'hypothèse avec une certaine probabilité de dire que c'était un gigot à la broche, quoi. C'est-à-dire que ce qui était protégé par la viande, bon, il n'y avait pas de traces de calcination et des extrémités. Et on a, par exemple, notamment des lièvres quand ils étaient cuits à la broche comme ça. Donc, il y a quand même aussi des indications de cuisson sur les ossements pour le type de préparation. C'est-à-dire que là, voilà, par exemple, on a, tout à l'heure, je vous parlais de la viande crue en lanière, ben là on a peut-être il y avait des bouillons, mais en tout cas nous on peut montrer qu'il y avait des cuissons à la broche. Les traces de cuisson indiscutables aujourd'hui qui font consensus, c'est 450 000, c'est chez Néandertal. Alors non, c'est pas Néandertal, non. 450 000, c'est les ancêtres de Néandertal. Oui. Parce qu'en fait, actuellement... C'est qui, exactement? Alors, c'est des individus, c'est ce qu'on appelle peut-être des pré-néandertaliens. En fait, si je résume rapidement, on sait que vers 700 000 ans arrivent en Europe des nouveaux hominidés, pour l'instant, tout le monde semble être d'accord, qui sont les Homo heidelbergensis, dans lequel on regroupe sans doute peut-être plusieurs types d'hominidés, donc qui arrivent en Europe. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte d'isolement génétique des populations européennes qui vont conduire tout doucement à Néandertal. Mais les premiers traits néandertaliens commencent à émerger vers 450 000 ans, que l'on voit anatomiquement. Les généticiens pensent que ça émerge dès 600 000, c'est-à-dire quasiment dès l'arrivée de ces Heidelbergensis. Mais il va falloir presque 300 000 ans avant que le vrai Néandertalien, tel qu'on le représente, c'est-à-dire vers 100 000 ans, les caractères se fixent. Et donc pendant toute cette période très très longue, il va y avoir en même temps une sorte de transformation également cognitive, des comportements tout doucement, et avec cette grande rupture dont je vous ai parlé vers 450 000 ans, où comme par hasard arrive également le feu. Et alors quelles sont ces traces de cuisson indiscutables dont on dispose, qui attestent que ces pré-néandertaliens Heidelbergensis cuisaient de manière répétée, oui, maîtrisée, qu'ils avaient un bouquin de recettes, quoi. Ouais, on peut citer quelques sites, il y a un site français, ou deux sites français, même parlons d'abord de la France, Terra Mata dans le sud, où on a vraiment la preuve d'un petit foyer construit avec même quelques petits galets pour protéger du vent, sans doute pour protéger le feu. On a un site en Bretagne, à Ménez-Drégan, qui également atteste de la présence du feu. On a un site en Hongrie, le site de Vertészelőz, pareil, à peu près dans la même période de temps. Donc on a quand même, à peu près au même moment, un petit peu partout, la preuve que vraiment le feu maintenant est acquis et ils sont capables de le reproduire. Ça, c'est vraiment très très important. Marie-Hélène Patou-Matisse. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a pas mal de foyers qui ne sont pas construits. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, bien sûr, c'est les structures de foyers qui nous montrent qu'il y a des pierres, etc. Des fois, on a simplement sur le sol des traces qui montrent qu'il y avait probablement un foyer, mais il n'était pas construit. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que déjà, il y a une diversité dans ces foyers. Probablement parce qu'il y en a un qui était... sujet du jour pour la cuisson, mais peut-être il y en a simplement, c'était pour soit se protéger du froid, soit parce que la nuit tombe, on peut faire un petit feu. Voilà. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de voir, c'est que cette maîtrise, à la fois pour allumer les feux, pour le construire, pour construire les foyers et tout, mais aussi dans sa fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y avait différents types de foyers. Un foyer peut-être plus pour un éclairage, l'autre plus pour le chauffage, d'autres plus pour la cuisson. Et ça, c'est important parce que c'est très tôt. C'est-à-dire que il y a la maîtrise d'un savoir et d'un savoir-faire très rapidement. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'effectivement, quand on remonte, on est donc aux alentours de 450-500 000 ans, on a ces preuves indiscutables, celles que vous évoquiez, des eaux brûlées au debout, des preuves des foyers qui montrent qu'effectivement, il y a eu acte de cuisson répété. Et puis, si on remonte, on commence à avoir des indices, mais qui sont des indices moins évidents ou des indices qui peuvent être interprétés ou qui peuvent être sujets à interprétations distinctes. C'est pour ça. Il n'y a pas de date. C'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier quand on dit la date, une date. Je sais qu'on aime bien les dates, mais c'est très compliqué parce que, en fin de compte, c'est. Une époque, disons, parce qu'on dit date fixe, voilà, c'est bien que ça n'a pas de sens. Qu'il y a eu, peut-être qu'il y en a eu avant, que ça a disparu, etc. C'est-à-dire que, voilà, c'est assez complexe, mais c'est vrai qu'il y a une charnière, quoi. Il y a une période où on peut se dire, tiens, là, il y a quelque chose. Sur ces traces, sur ce registre fossile, c'est pour ça que je voudrais vous ramener à ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces fameux silex brûlés de Gesher Benot Yaakov en Israël. On est à moins 750 000. C'est une interprétation, mais c'est une interprétation qui laisse quand même peu de place au doute. C'est pas trop des silex brûlés qu'ils ont trouvés. C'est surtout, ils ont coordonné systématiquement tous les petits fragments d'os, y compris des petits fragments d'os brûlés. Et la répartition de ces petits fragments a permis de démontrer que ça ne pouvait pas être un feu naturel, parce qu'on peut toujours imaginer après le départ des hommes, il reste des végétaux, de la verdure, etc. Et ça, un feu de brousse par exemple passe et entraîne tout. Un orage, peu importe. Voilà. Mais là, ils ont vraiment prouvé que ça ne pouvait pas s'expliquer par des processus naturels. Mais pour revenir à cette date, un peu entre guillemets 450 000 ans, en préhistoire, il faut se dire que quand on est capable de voir un phénomène, c'est qu'il est là depuis un certain temps, statistiquement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute eu une étape intermédiaire qu'on n'est pas capable d'identifier, parce qu'un site archéologique, c'est un miracle. La plupart des sites ont disparu par l'érosion. Et donc, si à un moment donné, on est capable de voir des foyers à différents endroits, c'est qu'il y a cette maîtrise qui est déjà acquise depuis un certain temps. Malheureusement, on n'est pas capable d'identifier. Et en plus, nos datations n'ont pas une marge de fiabilité qui sont énormes. On a une marge d'erreur, mais ça, c'est normal. Donc, on est dans une tranche de temps, sans doute au niveau de ce long interglaciaire qui suit cette grande période froide. Alors, il y a ces analyses stratigraphiques qu'on vient d'entendre dans le reportage. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'outils, et des outils notamment paléogénétiques, qui sont à disposition des archéologues, des paléoanthropologues. Aujourd'hui, on est capable, Marie-Hélène Patoumatis, d'arriver à extraire des fragments, des molécules dans le tartre dentaire. On arrive à vraiment faire parler des fossiles dont on imaginait qu'ils resteraient silencieux. C'est-à-dire avoir des indices sur la nature de l'alimentation et sur la nature de la préparation de l'alimentation. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vraiment intéressant parce que là, actuellement, nous avons des moyens techniques. Il n'y a pas que l'ADN, bien sûr, mais il y a aussi des moyens d'investigation. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses très, très, très, très petites. Et donc, des micro-résidus qui sont dans ce tartre, il est très riche d'informations. Et lorsqu'on a la chance de le trouver et de pouvoir l'analyser, on trouve des informations extrêmement importantes parce que, justement, dans l'alimentation, vous savez, pendant très longtemps, on était handicapé par le fait qu'on voyait essentiellement la viande. C'est pour ça que très souvent, on disait que c'était des mangeurs de viande, des carnivores, etc. Parce qu'on ne voyait que ça. Le végétal était très peu visible. Voilà, on pouvait faire l'environnement, dire qu'il y a les pollens, mais c'est pas parce qu'il y a des pollens de pain qu'ils ont mangé que des pains. Donc, Et grâce à ces nouvelles méthodes, déjà, la biochimie qui a montré qu'il y avait des consommations de plantes, mais aussi le tartre dentaire. Et là, on a mis en évidence qu'il y avait la consommation. Justement, Marie-Hélène connaît très bien ce sujet parce qu'un de ses sites a donné des résultats formidables, qu'il y avait des consommations des végétaux, notamment chez les Néandertaliens, beaucoup plus importantes, en tout cas plus couramment, cette consommation plus courante de végétaux. Et ces végétaux, non seulement étaient mangés cru, évidemment, mais certains étaient mangés cuits. Et le site justement de Père que fouille Marie-Hélène a donné ces renseignements capitaux de voir qu'il y avait des végétaux mangés cuits. Quels sont les indices qui vous permettent de conclure que ces végétaux ont été mangés cuits par rapport à ce que vient de dire le tartre, voilà. C'est par l'analyse de ce qui a été trouvé comme résidu dans le tartre. Alors, concrètement, expliquez-nous. Voilà, qu'est-ce qui fait une différence d'une molécule, oui. Je ne sais rien, d'une protéine de blé cuite, d'une protéine là, de blé. Il faut demander un spécialiste. De ceux qui travaillent sur les résidus donnés dans les tartres, parce que nous, en tant que préhistoriens, en fait, on travaille sur les traces qui nous sont laissées concrètes dans un site. Et je dis toujours, en fait, on fouille les poubelles. Les poubelles qui nous ont laissées. Et notamment, quand on tombe sur un site où on a le bonheur de trouver des foyers, parce que tous les sites n'en ont pas, des beaux foyers bien conservés, ce qu'on cherche à savoir, d'abord, c'est le type de température, le type de combustible, et on cherche aussi à savoir comment était structuré l'habitat par rapport à ces foyers. Est-ce qu'ils avaient un impact ou non? Tout en sachant qu'un niveau que l'on est en train de fouiller peut être le résultat de plein d'occupations successives. Donc, il faut arriver à discerner un petit peu tout. Et en fait, dans un très grand nombre de sites, on arrive à mettre en évidence qu'il y a des mouvements d'objets, par exemple, de zone de foyer en zone de foyer, qui montrent qu'il y avait une vraie structuration de l'habitat. Je pense par exemple à un site espagnol qui est extraordinaire, l'Abri Romani, où ils ont trouvé des niveaux d'occupation qui sont conservés parfaitement parce qu'il y a eu des travertins qui s'est mis en place dessus. Donc en fait, ils ont même le moulage indirect d'objets en bois. Donc ils n'ont pas retrouvé les objets en bois, mais ils ont leur moulage. Et ils ont mis en évidence qu'il y avait des énormes foyers qui avaient des statuts différents et dans lesquels tout s'organisait. Il y avait une mobilité des objets en fonction des zones d'activité. Donc nous, alors bien sûr, on ne travaille pas peut-être sur des choses spectaculaires comme ce tarte dans lequel on retrouve, comme tu disais, Marie-Hélène, de l'amidon. Quand on retrouve également des plantes médicinales, on retrouve des plantes qui pouvaient être des plantes aromatiques. Donc il y a un monde incroyable qui est en train de s'ouvrir à nous grâce à ce tartre. Mais il ne faut pas oublier quand même le concret de la fouille qui nous parle énormément sur les faunes qui ont été chassées, les animaux chassés, à quel moment de l'année ils sont venus dans ce site, comment ils ont structuré leur habitat. En fait, on rentre vraiment dans leur vie quotidienne aussi au travers d'un site archéologique. Pour revenir, pour revenir à la cuisson, ce qui est intéressant, et les végétaux. Et là, je reviens à mon cher Néandertal. Les végétaux, c'est intéressant parce que d'un seul coup, il y a beaucoup de papiers qui sortent en disant ils ont mangé les végétaux, notamment des graminées sauvages, l'ancêtre des céréales, très riches en glucides, vous me suivez. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a, on s'est aperçu que contrairement à ce qu'on pensait, eh ben, il y a quand même des caries. On pensait que les caries, c'était néolithique. Et là, il y a trois sites, et ça fait On trouve des caries chez Néandertal. Ça fait, voilà, ça fait, il y a pas beaucoup dedans, il y a six, hein. Mais c'est quand même ça, il y a trois sites qui ont montré des, il y a des caries. Alors, les caries, justement, peut-être, qu'il y avait une consommation dans certains groupes, etc., à certains moments, plus importants de végétaux, notamment, riches en glucides comme les graminées. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et on a trouvé aussi un bâton, probablement un bâton à fouir. Bref, il y a un bâton à, pardon? À fouir aussi. À fouir, d'accord. Pour sortir les tubercules. Et là aussi, l'Espagne est très riche de découvertes. Et il y a des choses très intéressantes de voir que tout converge vers ça. Et alors, là aussi, au niveau des plantes, c'est intéressant parce qu'on parle de la cuisson. Et on parle donc du végétal et tout. Alors, là aussi, on a plein de, toujours avec Néandertal, maintenant d'exemples comme quoi ils consommaient, grâce à ces études de tas, ils consommaient des plantes, et des plantes qui sont des plantes très amères. Par exemple, que nous, franchement, faut vraiment qu'on nous force, hein. La gentiane. Pire encore. Des achillées, tout ça. Et donc, c'est très amère. Et on se disait, mais pourquoi? Et on a eu la chance de trouver des corrélations entre des pathologies et ces végétaux. Par exemple, les bourgeons de peupliers. Pourquoi manger des bourgeons de peupliers? Faut être fou. Parce que là, vraiment, je pense que c'est très, très, très mauvais. Parce que ça passe, le bourgeon passe dans l'estomac, les sucs gastriques vont dissoudre et transformer en acide salicylique. En aspirine. Donc, aspirine. Donc, voilà. Et parce qu'on on s'interrogeait, enfin, mes collègues qui travaillaient s'interrogeaient sur le pourquoi. Et ils ont vu que c'était lié à des pathologies parce qu'il y en a un qui avait, un gros abcès dentaire et ça devait faire mal. Donc, le Néandertal avait des pétrolettes et des dentistes. Et voilà. Marielle Moncel. On s'est rappelé que Néandertal a quand même vécu pendant une très longue période en Europe et qu'il a connu des climats très différents. Et donc, selon le climat, dans une période tempérée ou plus froide, le corpus végétal n'est pas le même. Donc, il va avoir accès à certains moments à une variabilité de végétaux qui ne va pas connaître dans d'autres périodes. Donc ça peut expliquer aussi la variabilité. C'est vrai qu'on travaille sur un très très petit nombre d'échantillons. Et donc dans certains cas, on va voir effectivement la preuve qu'ils utilisaient un certain nombre de plantes parce qu'il avait ces plantes à disposition. Et dans d'autres cas, eh bien, il va avoir d'autres choses à disposition. Donc il y a une variabilité, il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas monolithique, le monde néandertalien. On est dans le buissonnement. On est dans ce buissonnement, voilà, que nous décrivons à chaque fois que nous faisons des émissions consacrées à la paléontologie, à la paléanthropologie. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, d'être venues parler de cette énigme de l'apparition de la cuisson dont nous espérons que nous avons pu lever un peu le voile. Merci Marie-Hélène Moncel, merci Marie-Hélène Patou-Mathis. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, c'est aux éditions Perrin. Si vous voulez poursuivre cette réflexion et votre curiosité autour de cette question du cru ou du cuit, eh bien rendez-vous dimanche 15 septembre, dimanche prochain à midi, dans les bonnes choses de Caroline Brouet, qui se pencheront sur la redécouverte des légumes lacto-fermentés qui sont, paraît-il, très bons pour notre microbiote. Et puis n'oubliez pas que les idées claires, elles aussi, ont repris depuis hier, tous les mercredis, un podcast natif que vous pouvez retrouver sur votre application de podcast, notamment celle de Radio France, et sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. La question que nous avons posée hier et que nous avons tenté d'expliciter toujours grâce au regard d'un scientifique, eh bien c'est: le chômage baisse-t-il vraiment? Comment ces chiffres du chômage sont-ils calculés? Pourquoi sont-ils si différents et si contestés? Je vous renvoie aux réseaux sociaux de France Culture. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Inès De Bruyne aujourd'hui à la technique. Demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question de matière noire, d'ondes gravitationnelles, mais aussi du monstre du Loch Ness. Et oui, tout à fait, rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.